Le superflu. L'art boiteux n'est pas la seule victime de mes purges domestiques. En un mot commençant, je n'aime pas le superflu. Ainsi, chaque jour, je consacre quelques minutes à arpenter les lieux que j'habite à la recherche de l'accessoire, de l'inutile, du gênant. Un livre que je ne serais pas fier de posséder, une planche un peu vermoulue que je ne suis pas sûr d'utiliser un jour, une babiole sur une étagère. L'élément en question, décore-t-il ? Ou encombre-t-il? Participe-t-il à mon bien-être sans que je m'en aperçoive? Fait-il partie de mon paysage intérieur et y rajoute-t-il une note de je ne sais quoi? Ou n'est-ce qu'un bête objet sans importance, un intrus échoué chez moi, accrochant mon regard uniquement pour me déconcentrer et me détourner quelques instants de la route que je me suis tracée? La réponse à mon interrogation est rarement immédiate. La plupart du temps, mes jurés intérieurs se réunissent pendant plusieurs jours à intervalles réguliers, sans même m'en toucher un mot, dans des débats passionnés, diurnes ou nocturnes. La réflexion mûrit, en silence. Quand la sentence tombe, je sais alors avec précision si je dois me réjouir de la présence de cet objet ou m'en débarrasser. Il est extrêmement rare que je le regrette. Danka, à cet égard, emploie souvent le mot « spartiate » pour qualifier ma décoration intérieure. Le rangement systématique et le vide, c'est bien, mais il ne faut pas pousser, s'emporte-t-elle presque. Elle est allée jusqu'à m'avouer ne pas se sentir complètement à son aise dans ma maison. On dirait, selon elle, que personne n'y vit. Aussi, lorsqu'elle me rend visite avec Lolek, elle ne vient jamais sans un gros bouquet de fleurs des champs qu'elle s'est arrêtée cueillir sur le bord de la route. Voilà plusieurs années que je me suis débarrassé de mon dernier vase. Danka amène donc une dizaine de longues flûtes de plastique, à l'intérieur desquelles elle place de petits bouquets colorés dans un fond d'eau. Elle dispose de ses décorations florales dans toute la maison et on sent qu'elle va mieux. Je la regarde faire, ça m'amuse. Pour un peu, je la comprendrai. Il est entendu que ces fleurs ne sont là que pour elle, mais... comme je n'ignore pas que les relations humaines utilisent les codes, je la remercie chaleureusement de se soucier de mon bien-être. Nous nous dirigeons vers la cuisine, dans des senteurs de légumes, de poissons, de fleurs des champs. Nous discutons, buvons, plaisantons, mangeons trop. Puis Lolek et Danka rentrent chez eux. Le lendemain, je fais bien attention de laisser toutes les flûtes vases en place, pour me rappeler l'excellente soirée que j'ai passée avec mes amis. Mais je connais le scénario. Comme je ne suis pas habitué à la présence de ces objets, j'en renverse la moitié le premier jour, en prenant un livre, en rangeant la vaisselle, en marchant. Je ramasse les fleurs à terre et les place dans les flûtes qui ont survécu, dans des recoins plus sûrs. Puis je les écoute faner pendant plusieurs jours. Quand ne subsistent que de vagues souvenirs de végétaux à la tête pendante, je jette les vers à la poubelle. Les restes des fleurs, je les enterre dans un petit trou que j'ai creusé dans le jardin.